Thank you. Sorti de ma tête par hasard, sorti d'un livre rouge et noir. Elle aime le rouge et le noir. Je voudrais.